Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer le cours d'aujourd'hui. Avant de se lancer dans le contenu de cette séance qui sera consacrée aux notions de participation et de collaboration, je voulais faire un rappel concernant la constitution des groupes pour le travail qui sera à remettre. Alors, la majorité d'entre vous, je pense, est déjà inscrite sur l'UV. Il y a donc dans la section évaluation un onglet, enfin un symbole, le groupe, dans lequel vous devez aller pour inscrire la composition de vos groupes. Je vous le rappelle, on avait demandé la constitution de groupes de 4. Alors pour l'instant, il y a certains groupes qui respectent cette consigne-là, d'autres un petit peu moins. C'est sûr que c'est difficile pour nous pour l'instant de recaser les groupes tant que tout le monde ne s'est pas inscrit. Alors on vous donne jusqu'à lundi maximum pour tous vous inscrire là-dessus afin qu'on puisse soit permettre aux personnes qui sont encore toutes seules ou qui n'ont pas un groupe complet de les regrouper et pour faire en sorte que ce soit des groupes équilibrés. Donc notez que vous avez jusqu'à lundi 17h pour vous inscrire dans cette section-là. On enverra aussi un message sur l'UV pour le rappeler à tout le monde, y compris à ceux qui ne sont pas là. Si vous avez des questions techniques, etc., concernant le travail, vous pouvez vous adresser à Arnaud Brieux pour les poser, pour vérifier certaines choses, et sachant qu'on est en contact tous les trois pour vous répondre. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse donc aux notions de collaboration et de participation qui étaient déjà un peu en germe dans les séances précédentes. Vous aviez deux textes à lire qui étaient en ligne dans l'UV, sur lesquels on va revenir et on va essayer de dégager quelles sont les notions importantes et quels sont les concepts que vous pouvez réutiliser. Mais d'abord, je voulais commencer en fait par la projection d'une toute courte vidéo qui en fait est en parallèle avec cette notion de participation ou d'incitation à la participation qu'aurait encouragé le numérique et notamment les médias sociaux. Donc je vous laisse regardez cette courte vidéo qui dure un peu moins de 2 minutes et on en reparle après. Est-ce que tout le monde voit bien l'écran avec la lumière? Non. Là, ça va mieux, en principe. Tu mangeras bien dehors. Quelqu'un connaît un bon italien dans le 18e? Tu veux manger un italien? Il va d'abord falloir l'attraper. MDR. Google est ton ami? Oui, j'ai cherché sur Google et j'ai rien trouvé, c'est pour ça que je demande. Désolé, mais moi j'ai cherché avec mon Mac et j'ai trouvé des trucs. Achète un Mac. Ouais, bonne idée, achète un Mac, comme ça t'auras plus d'argent pour t'acheter à manger. Achète un PC, à force de planter, tu pourras faire un potager. Ah ouais, super la blague. Ah ouais, super ta mère. Super ta gueule. Connard. Calmez-vous les gars. Et sinon, mon italien? Il court toujours. Pierre qui roule. On met une espace avant un signe de ponctuation double. Désolé, je suis un grammaire nazi. T'es une grand-mère nazi? Mais jeune pourtant. Attention, pas Godwin non plus. C'est Godwin sans L pour con. Bonjour Yoyo, c'est maman. Je t'ai envoyé un mail sur le Facebook de mon téléphone parce que la souris ne peut plus aller sur internet. Je fais comment, pose maman. Tu pleures, je crois, arrête-toi là, il y a des enfants qui meurent de faim en Afrique. Je suis pas raciste, mais les Africains. Ok. Et sinon, personne pour moi à ce coup. Manger italien, le mieux, c'est d'aller au métro Rome. Ah, moi je connais un super resto dans le 19ème. Par contre, c'est un Libanais, il est fermé aujourd'hui. Tu préfères manger toi-même, ce serait moins cher, surtout qu'à Paris, bon, j'aurais pris. Ah oui, quand on choisit de vivre à Paris, faut pas venir se plaindre après. Mais qui se plaint là? Oui, moi j'habite à Rome, c'est moins cher. Pour moi, c'est au moment de l'année. Non, ça sent pas rien. Sérieux, quoi? Bon, ça fait un moment que ça me travaillait, je crois que je vais quitter Facebook. Peut-être pour un moment, peut-être pour toujours, je sais pas. J'avais cru naïvement que venir ici, ça allait combler le manque affectif qui me bouffe un peu tous les jours, mais je me rends compte que les interactions que j'ai ici, ça n'arrange rien. Le plus dur, c'est pas la solitude, c'est le bruit tout autour. Du coup, je prends les choses en main parce que c'est trop dur. Ok. Alors, cette vidéo humoristique essaie d'illustrer en fait, en caricaturant un petit peu, des types d'interactions et de participation fort actives que notre présence sur le numérique suscite, auxquelles elle donne lieu. Je vais vous mettre la diapo ici. En fait, l'un des phénomènes auxquels fait allusion le personnage, le personnage central et ce à quoi on peut assister, c'est cette dimension du bruit, un peu de cacophonie à laquelle la présence numérique peut donner lieu. La présence numérique à laquelle nous nous exposons, mais aussi celle multiple des autres et l'accès en fait qu'on leur donne à nos propres réflexions, à nos propres pensées. Ici, le lien que je veux faire, c'est notamment avec l'idée de reconnaissance sociale dont on a déjà parlé, qui fait donc qu'on se met en scène d'une certaine manière par rapport à d'autres, qu'on va interagir et que donc on essaye de se positionner, de remplir, comme le disait de façon fort mélancolique l'acteur principal à la fin, un besoin peut-être de combler une solitude sociale ou autre, et que, en fait, sur le numérique, ce à quoi surtout on a accès, c'est à de l'interaction. Donc cette capacité interactionnelle un peu permanente, finalement, à laquelle on a accès, elle est une réponse notamment à des réflexions critiques que l'on peut avoir sur la société contemporaine, qui s'inscrivent dans le courant en fait de sur la société de consommation, etc., qui caractérisait l'école de Francfort. Alors, je vous ai déjà un petit peu parlé d'auteurs qui s'inscrivent dans l'école de Francfort, notamment la semaine dernière lorsqu'il a été question d'Habermas. Donc il y a Adorno, Horkheimer, également Marcuse. Ce sont donc des auteurs qui justement étaient très préoccupés par l'industrialisation, la surconsommation, le développement de la publicité. Et en fait, ils ont inspiré plusieurs auteurs contemporains qui, eux, s'interrogent davantage sur les phénomènes numériques, notamment, et qui essayent de voir comment ces accès, ces plateformes numériques-là, elles ont pu changer potentiellement nos façons de s'adapter, nos façons d'interagir pour essayer de chercher de la reconnaissance sociale. Alors, en fait, pour eux, toutes ces interactions de différents types qu'on va essayer de jouer, elles viseraient notamment à affronter ou à essayer de se protéger d'une sorte de mépris, une sorte de société du mépris. Cette expression-là, de société du mépris, elle vient d'un auteur qui s'appelle Axel Honneth, que je vous ai mentionné ici entre parenthèses, qui est un chercheur et sociologue allemand, qui était l'assistant de Jürgen Habermas, et qui est devenu professeur à l'université de Francfort-sur-le-Main, donc qui était le lieu, l'institution en fait, dans laquelle s'est développé physiquement ce que l'on appelle l'école de Francfort. Donc Axel Honneth, c'est quelqu'un qui réfléchit sur justement un petit peu les états de société auxquels on est confronté actuellement, et qui essaye de voir comment on essaye de s'adapter aux logiques marchandes, à certaines contraintes que la technologie aussi peut parfois nous imposer, en plus de ses avantages, ou en parallèle de ses avantages. Dans sa réflexion sur la société du mépris, il y a l'idée que, en fait, on serait, notamment, on serait confronté à un jugement, en fait, permanent, qui est posé sur nous, parce que l'on est davantage exposé, et parce que l'on expose davantage de données sur nous-mêmes. Ce jugement-là qui donnerait lieu à une certaine forme potentielle de cynisme ou un peu de désillusion de notre part ferait en sorte qu'on essaye de s'encourager de façon communautaire en fait pour justement s'affirmer, se construire des identités qui vont être plus valorisantes ou qui vont nous permettre de nous enrichir socialement. On reviendra notamment sur cette idée d'enrichissement social avec le capital social qui était présenté dans le texte de Mimesh. Vous avez ici donc en fait l'idée que avec notamment les plateformes numériques, il y a cette potentialité de se réaliser. La préoccupation, c'est la réalisation de soi malgré potentiellement le jugement des autres, malgré la peur du mépris, d'être rejeté, etc., etc., parce qu'on est plus exposé. Donc il va y avoir une sorte de lutte pour la visibilité et lutte pour la reconnaissance de soi à travers les différentes plateformes dont on dispose ou qui nous entourent. Ici, je vous ai mentionné un deuxième auteur qui s'appelle Olivier Voirol, qui a également donc, travaillé ou qui travaille de temps en temps avec Axel Honneth. Voirol, justement, s'intéresse beaucoup à cette question de la reconnaissance de soi. Et tout comme Axel Honneth, en fait, il souligne qu'il y a trois sphères de reconnaissance dont on a besoin pour se réaliser. il y a une première sphère qui est reliée à l'affectif, affectif qu'on peut lier à l'amour. La deuxième sphère, c'est la sphère qu'ils appellent juridico-politique, qui est en gros qu'on a besoin d'exister légalement, en fait. Donc d'avoir des documents dans certaines administrations, d'avoir un matricule quand on est, ou un numéro d'étudiant quand on est inscrit à l'université, etc. Donc ça, c'est quelque chose dont on a besoin pour obtenir une certaine reconnaissance, en fait, de la part notamment, par exemple, des institutions. Donc, première sphère, affectif-amour. Deuxième sphère, juridico-politique. La troisième sphère, c'est ce qu'ils appellent plus précisément la sphère de reconnaissance dite sociale. Et dans cette sphère-là, en fait, donc sur ça, les trois sphères pour se réaliser, pour la réalisation de soi, dans cette troisième sphère de reconnaissance spécifiquement sociale, ça va concerner en fait toutes les actions qu'on va poser pour essayer de se présenter positivement comme ayant des caractéristiques particulières. C'est-à-dire, donc, on va essayer de se faire reconnaître en tant qu'individu. Si on reprend l'exemple de la vidéo que je vous ai diffusée, ça veut dire que, on essaye par exemple d'être reconnu comme quelqu'un qui a de l'humour. Et donc, dès qu'on a une occasion, on va essayer de faire une blague, de rebondir sur ce qu'on dit pour, en fait, entretenir ou travailler donc notre rôle social pour obtenir une certaine reconnaissance. De la même façon, si on est quelqu'un qui veut jouer un rôle ou qui pense être connu pour ses connaissances davantage intellectuelles ou qui veut jouer le rôle un peu du sage, qui corrige, etc., on va plutôt chercher à montrer qu'au-delà de ce qui est dit, nous, ce qui nous intéresse, c'est la faute d'orthographe, etc., etc. Donc, en fait, on va, en travaillant cette reconnaissance sociale, se bâtir une identité spécifique qui va nous permettre d'obtenir une certaine reconnaissance de la part des autres. Il y a donc aussi, au cœur de cet enjeu de reconnaissance, recherche de reconnaissance sociale, un enjeu d'essayer de se faire reconnaître comme étant spécifique à travers un ensemble de bruits ou à travers une sorte de cacophonie. J'ai mis le terme chaos, mais le terme cacophonie serait peut-être plus exact, qui vient de la diversité, de la multitude, en fait, de gens avec qui on a des interactions potentielles. L'exemple de la recherche du resto italien qui tourne mal et qui, en fait, ne débouche jamais sur aucune solution concrète, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui font de temps en temps appel sur Facebook ou Twitter ou autre à leur communauté d'amis, de contacts pour demander un conseil de trouver un magasin, un conseil de se faire recommander un restaurant, etc. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé de lancer, en fait, d'être confronté à ce type de situation où les gens vous répondent un peu à côté pour montrer davantage leur existence sociale que vous répondre réellement? Ou pas du tout? Ni l'un ni l'autre. D'accord. Bon, on y reviendra après. Ce que je veux vous montrer, c'est que, en fait, le numérique est vu en communication comme ayant, en fait, ou comme impliquant un fort potentiel d'encouragement à la participation, qui est quasiment de l'ordre, pour certains chercheurs, de l'injonction. C'est-à-dire que parce qu'il y a il y a un outil numérique, un objet numérique qui existe, ça fait en sorte qu'on se sent obligé quasiment de participer. Parce qu'on le peut, on le fait. Alors que c'est pas forcément utile en tant que tel. Et ça, on le ferait parce que l'on recherche justement une certaine forme de reconnaissance sociale. Ici, le terme de participation, vous l'avez vu notamment travailler dans le texte de Mimes sur lequel on va revenir, mais il est à voir comme une possibilité, en fait, de se structurer socialement. Donc la participation, quand on réfléchit sur des enjeux numériques, on peut le concevoir plutôt comme une forme de structuration donc, de son existence numérique, de ses rapports numériques, de sa, et de son inclusion dans les mondes numériques. La première chose, c'est que participer de façon numérique, c'est montrer que l'on a une certaine utilité. Donc c'est avoir une utilité publique, et c'est donc tenir un rôle, donc posséder un rôle en fait, publiquement, qui fait que ça nous permet d'obtenir une certaine reconnaissance, entre autres, parce qu'une certaine existence numérique. Donc, tenir un rôle, posséder un rôle, premier point par rapport à une utilité publique. Deuxième point, c'est la capacité ou le sentiment d'appartenance que l'on va développer en participant. Et ça vaut autant hors ligne aussi, mais sur le plan numérique, il y a certaines spécificités. Cette appartenance, c'est le fait, par exemple, d'appartenir à un groupe, appartenir à une communauté. On y reviendra aussi. Donc, c'est de faire partie d'un ensemble qui nous dépasse. L'enjeu étant de faire partie d'un collectif tout en restant un individu qui a certaines spécificités uniques. Parce qu'on veut donc à la fois faire partie de quelque chose, s'intégrer, et en même temps être reconnu pour certaines qualités spécifiques. Donc, utilité publique, appartenance, le troisième point qui est vu comme étant essentiel à la participation comme structuration, c'est l'idée de partage. On va partager soit de l'information sur nous, soit des conseils, des données. On va recommander la lecture d'un article, on va répondre à une question justement en donnant le nom d'un restaurant italien à la personne qui le demande depuis 2 heures. Bref, on va donc, ça va, la participation va se jouer sur cette action d'échange et de partage. Pardon. Le quatrième volet de la participation en tant que structuration, donc qui permet de nous inclure dans un certain système en fait, ou dans une certaine configuration avec d'autres acteurs sociaux sur le numérique, c'est celui de faire reconnaître son existence. Parce qu'on participe, on prend une place publiquement en fait, dans une certaine action, une situation de communication. Donc on revendique quelque part son existence, parce que notre profil apparaît, juste parce qu'on a mis un like, ou parce qu'on a retweeté quelque chose, ou parce qu'on a partagé un dossier, ou qu'on a eu un suivi de commentaires dans un Google Doc, etc., etc. Donc il y a cette reconnaissance de notre existence numérique qui est aussi liée à une certaine forme de storytelling, c'est-à-dire à une forme de récit que l'on va développer sur soi. Alors, le storytelling, c'est une technique notamment utilisée en marketing qui vise à, par exemple pour une marque, lui développer une identité en l'associant en fait à certaines caractéristiques qui vont être que par exemple, un des cas souvent étudiés, c'est une marque comme Louis Vuitton qui est associée au voyage et qui développe vraiment depuis des décennies une histoire de la marque axée autour du voyage, du luxe, mais aussi de l'exotisme, etc., etc. Donc ça, le storytelling, en fait, ça fait partie... Est-ce qu'il y a des questions? Le storytelling, ça fait vraiment partie donc, d'outils qu'on va utiliser pour construire un récit au fur et à mesure, cohérent, un récit cohérent donc, qui va s'appuyer sur des éléments qui reviennent au fur et à mesure pour nous construire une identité et nous construire finalement un peu à la façon d'une marque parce qu'on véhicule notre image de façon diverse sur plusieurs plateformes. Donc entre les plateformes sur lesquelles on est présent, on va devoir trouver des éléments de reconnaissance ou des éléments convergents. Le dernier point à retenir concernant la participation, c'est cette idée de communauté. Donc il y a l'idée d'appartenance et l'idée de communauté, elle est notamment étudiée par rapport au numérique sous divers angles, qui est que une communauté, c'est donc un regroupement d'acteurs qui soit vont se regrouper sous forme d'un groupe formel, une page ou un groupe Facebook en tant que tel, un groupe fermé ou un forum de discussion auquel il faudra s'abonner, etc. Donc il va y avoir des règles de participation à la communauté qui vont se créer. Mais ces communautés-là, elles vont se rassembler, se structurer en fonction d'objectifs potentiellement différents. On va trouver notamment des communautés d'intérêt qui font en sorte, par exemple, que des consommateurs ou des clients d'une compagnie aérienne qui est arrivée plusieurs fois en retard ou qui a dû annuler un vol mais qui n'a pas voulu rembourser les clients, etc., les clients vont se regrouper en une communauté pour structurer en fait leurs revendications, porter plainte, faire une page qui dénonce l'action de la compagnie, créer un hashtag peut-être et le faire relayer, etc. Donc là, l'intérêt étant de chercher à se faire rembourser tous ensemble. On va trouver également des communautés plutôt de type valeur qui, elles, vont s'organiser en fonction de, par exemple, idéaux de société avec, par exemple, lié à, au végétarisme, c'est un exemple qui me vient, mais à certains modes de vie ou à certaines représentations ou objectifs de société que l'on va avoir. Et donc là, on va se regrouper en communauté avec des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs, la préoccupation pour le bien-être animal ou pour le développement durable, etc., etc. Troisième type de communauté que l'on peut trouver, c'est les communautés plutôt qui se rassemblent autour de projets. C'est ce que l'on va trouver par exemple dans le cas de crowdfunding, où donc plusieurs acteurs vont créer par exemple sur une plateforme dédiée à du crowdfunding un projet qui est de par exemple monter un voyage pour tous les étudiants du master pour la fin de l'année. Et voyage à Hawaï pour tout le monde. Donc on va organiser un argumentaire commun, se structurer pour essayer de ramasser des fonds. Et donc cette communauté, elle va exister et elle va développer des interactions dans le but donc de ce projet-là qui est de rassembler les ressources nécessaires pour réaliser ce voyage. Donc, ce qu'on appelle communauté, au sens de communauté numérique, elles existent donc avec différents objectifs, et selon les objectifs, en fait, la participation prend des formes plus ou moins diverses. Lorsqu'on parle de participation également sur un plan numérique, ce que l'on doit avoir en tête, c'est cette idée de visibilité, de documentation, en fait, que l'on fait de ses opinions, de ses actions. C'est-à-dire, ça c'est l'idée de traces, les fameuses traces numériques que l'on laisse, qui est qu'on participe à quelque chose, si c'est numériquement, alors on participe de façon publique à quelque chose, et donc on n'est plus dans le cadre, même si c'est une action un peu informelle, au sens que c'est pas quelque chose de légal, d'obligatoire, etc., on est quand même en train de laisser une trace de ce qu'on pense, de ce à quoi on sert. Donc on veut ne pas se tromper, le conseil qu'on donne, on essaye qu'il soit exact. Si on a envie de faire une blague, on aimerait bien qu'elle soit drôle et que les gens l'apprécient. Bref, on va avoir cette espèce à la fois de liberté de participer, mais aussi un peu de contrainte que il y a tout un nombre de personnes qui vont potentiellement juger ce que l'on aura dit. Et ici, je vous ai intégré une citation d'un article qui porte plus particulièrement sur la participation politique. Alors, on aura deux séances un peu plus tard dans le quadri qui porteront plus sur vraiment les dimensions, enfin le numérique comme levier politique. Mais cette citation-là, elle met l'accent sur donc, le fait que l'utilisation des supports numériques de la participation, qui plateformes dans lesquelles on permet aux utilisateurs soit de fournir des idées, d'intervenir, de modifier des règles de fonctionnement, etc., elles engendrent un cercle vicieux qui est que le statut de vitrine, en fait, du débat en l'occurrence, parce qu'il s'agissait d'un débat plus politique, nécessite qu'on laisse des traces de l'activité et que donc, pour les participants, il y a une forme d'instrumentalisation, c'est-à-dire de utilisation à des fins collectives ou à des fins politiques ou de récupération de ce que l'on a laissé comme trace numérique. Donc, quand on participe, il y a notre participation sur le moment avec un certain objectif, autrement dit, qui est par exemple de donner notre opinion, donner un conseil, etc. Mais il y a aussi à plus long terme, en fait, un intérêt pour un groupe, une communauté, d'autres acteurs, de récupérer ce qu'on a dit et de le citer pour prouver, par exemple, que l'on s'est contredit, parce qu'à tel moment, on avait dit ça, deux jours après, on dit autre chose, ou parce qu'un candidat, il y a un an, avait tweeté que c'était le seul qui était honnête et que finalement, il est mis en examen quelques mois après. Donc, il y a ce rapport au temps, en fait, qui est potentiellement instrumentalisant et qui fait en sorte que donc la participation, elle est à la fois à voir comme quelque chose de spontané sur le moment, mais aussi comme étant une trace qui va rester, qui va construire une identité à plus long terme. Alors, vous aviez donc à lire, notamment pour aujourd'hui, un texte qui portait sur les notions de don, contribution, comme nouvelle culture des réseaux sociaux, et notamment les auteurs faisaient à la fin de leur texte une transposition avec l'idée de recrutement en ligne. Donc ce texte-là, en fait, si je voulais que vous le lisiez, c'est parce que d'une part, le cadre théorique qui est présenté l'est de façon très détaillée, et parce qu'en fonction des sujets de recherche qui vous intéressent, même si ce sont des sujets de recherche qui n'ont pas forcément... Donc là, quand je parle de sujets de recherche, c'est sujets de recherche pour vos mémoires. Même si ça n'a pas de lien direct avec le numérique, ça peut quand même avoir un intérêt pour vous, dans les dimensions sociales, en fait, ou dans les auteurs qui sont notamment mentionnés. Donc, dans ce texte-là, il y avait notamment comme concept principal l'idée de don et de contribution. Est-ce que, donc là, ma question, parce que je vais vous poser des questions un peu pour qu'on discute de ce texte-là, c'est qu'est-ce que vous retenez de ce texte concernant la définition de ce qu'on entend par un don ou par ce qui caractérise l'idée de don en sociologie ? Vous avez le droit, si vous avez accès au texte, de retourner. Ou sinon... Donc le don comme quelque chose que l'on fait et pour lequel il n'y a pas forcément un retour obligatoire, mais pour lequel on attend éventuellement un retour. Autre caractéristique du don dans le texte, oui. C'est toujours par rapport à ça, ce retour il est plus d'ordre social et statutaire que parce qu'on donne, alors du coup on change de statut. Oui, il y avait effectivement par rapport à cette idée de dimension sociale du don, il avait associé l'idée de prestige qui fait qu'à partir du moment où l'on donne, on reçoit ou notre action et donc notre identité est associée également à du prestige social en fait qui va un peu augmenter. Et donc qui fait qu'effectivement, on attend, d'après les auteurs, quand on donne, on attend un certain retour, mais qui n'est pas forcément de l'ordre du retour matériel ou financier, etc. Qui est plus de l'ordre, en fait, d'une certaine forme, justement, de réalisation sociale. Donc, il n'y a pas d'obligation de retour, mais par contre, il y a des attentes. auteurs s'appuient ou soulignent en fait le travail, les théories de différents théoriciens qui ont cherché à définir l'idée de don et qui l'ont utilisé dans différents, pour étudier en fait différents secteurs d'activité. Alors, il y a, notamment par rapport au don, oui, Marcel Mauss. Alors, si on devait peut-être un peu dégager des éléments clés de l'apport de Mauss par rapport à l'étude du don ou à la définition du don. Je me rappelle plus très bien, mais ce qui m'avait marqué, c'est qu'il avait réussi à démontrer en fait que, comme vous dites, il n'y a pas forcément d'attente directe, mais qu'inconsciemment, il y en a quand même une. Par exemple, je me rappelle qu'à un moment, il parlait du don que faisaient, par exemple, les grands-parents aux petits-enfants pendant Noël, etc. Et que inconsciemment, en fait, c'était quelque chose en fait que eux ils espéraient que nous-mêmes on fasse par rapport à nos petits-enfants. Donc c'était une façon de continuer. Il y a effectivement l'idée de transmission en fait. Les personnes au fond, est-ce que vous avez entendu? Donc ce que mentionnait votre collègue, c'était que dans les travaux de Mauss, notamment, ce qu'il avait mis en évidence, c'était le fait que lorsqu'on fait un don ou qu'on offre un cadeau, on ne s'attend pas nécessairement de façon consciente à avoir un retour au moins égal à ce qu'on a donné, mais que par contre, même de façon inconsciente, on a l'attente de produire quelque chose ou d'engendrer certaines conséquences. Par exemple, dans l'exemple que donnait votre collègue, il y avait le fait que les grands-parents, lorsqu'ils offrent des cadeaux à leurs petits-enfants, en fait, ils ne s'attendent pas à ce que les parents les remboursent ou à ce que les petits-enfants leur rendent, etc. Mais que par contre, ils ont potentiellement, notamment dans leur tête, cette idée ou cette envie que leurs petits-enfants, plus tard, fassent eux-mêmes des cadeaux à leurs petits-enfants. Donc, il y ait en fait une sorte de perpétuation de cette idée de donner. Donc, il fait en sorte qu'il y a, dans cette idée de don et de transmission, donc, de quelque chose, en fait il y a une attente qui est une transmission, peu importe en fait un peu la nature ou la forme qu'elle prenne, mais qui c'est une forme de retour donc qui va être provoquée par notre idée de donner. Et cette idée de transmission, elle est liée, quand on pense au don, à une sorte de recherche en fait de bienveillance que l'on peut relier aux travaux notamment d'Axel Honneth que je vous mentionnais tout à l'heure, qui donc Axel Honneth, la société du mépris qui était dans la diapo d'avant, lui donc a travaillé dans la mouvance d'Habermas. Habermas avait dans sa préoccupation sur notamment l'espace public cette idée de chercher un monde juste, et l'idée de justice était ce qui primait le plus. Dans les travaux et dans la pensée contemporaine d'Honneth, ce qui prime le plus, c'est l'idée d'une vie qu'il appelle bonne. C'est-à-dire, donc ce sont pas c'est pas sur le plan de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, on va juger ce qui est bien ou mal ou quoi, mais c'est plutôt par cette idée de vivre ensemble et de bienveillance qui fait en sorte que pour lui, ça va être une motivation justement du don. On va donner quelque chose de nous, un objet, un conseil, un cadeau, etc. Parce que quelque part, on va avoir envie de participer à une forme de vie bonne avec des intérêts plus ou moins conscients. Alors, dans le texte, vous aviez également un passage sur le concept de capital social, qui est un concept central ou essentiel, pas forcément pour tout le monde, mais qui peut être fort utile pour aussi penser cette idée de transmission, cette idée de participation à une vie bonne, d'inclusion sociale. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Non? D'accord. Donc, cette idée de capital social, qui a été notamment développée par Bourdieu, elle prend aussi plusieurs formes et elle peut aider à voir ce que dans le don, on va rechercher et potentiellement obtenir ou susciter. Alors, est-ce que vous vous rappelez justement, ou d'après vous, qu'est-ce qui pourrait être fondamental à retenir par rapport à cette idée de capital social ? Est-ce que vous avez la connexion Internet qui fonctionne ? Donc, vous avez accès au texte. Vous avez accès aux paragraphes qui sont intitulés « Capital social ». Effectivement, en fait, donc il y a cette idée de ressources autour de nous, donc de réseau, et il y a cette idée aussi que c'est l'ensemble de ces ressources, donc les différents capitaux dont on dispose, que l'on peut potentiellement mobiliser, fait en sorte que l'on dispose d'un certain capital que l'on appelle social. Donc ça va être tant, pas forcément donc, le capital social au sens du combien on a en banque, mais plutôt au-delà des ressources matérielles que l'on pourrait mobiliser, c'est les ressources amicales, familiales, notre environnement, des collègues, des personnes que l'on ne connaît pas forcément, mais que certains de nos amis ou de nos connaissances connaissent. Bref, en fait, c'est toute cette potentialité de lien social que l'on pourrait mobiliser si jamais on en a besoin. Et donc il y a dans cette préoccupation, enfin dans cette réflexion sur le capital social, cette idée aussi d'appartenance à un groupe. Donc quand plutôt je vous disais que la participation s'est vue comme une structuration sociale, notamment par cette appartenance, c'est en plein en fait ce qu'on retrouve dans l'idée de capital social, c'est-à-dire que notre appartenance à un groupe fait en sorte que l'on a de façon réelle, c'est-à-dire effective, de façon potentielle, accès à un certain nombre de personnes, à un certain nombre d'outils, à un certain nombre d'informations, etc., qui font que l'on dispose donc d'un certain capital social. Et que ce capital-là, il va varier en fonction des endroits où on se trouve, des gens qu'on rencontre, et il va aussi varier en fonction de du capital social que les gens qui nous entourent dans un entourage plus ou moins proche, donc ça va varier en fonction du capital social dont ces personnes-là aussi disposent. Donc c'est cette idée, donc l'idée d'appartenance et capital. Et ce qu'il faut voir, c'est aussi que c'est le capital social, c'est à la fois quelque chose qui est hérité et quelque chose qui est construit. C'est-à-dire que bon, on hérite par exemple d'un certain nom, d'une certaine culture, de certaines traditions familiales, culturelles, historiques, géographiques, etc., selon où on est, comment on est élevé, qui on a l'occasion de côtoyer, les événements que l'on traverse, etc. Mais c'est également construit en fonction de nos propres décisions, de nos actions, de nos erreurs, de nos corrections, etc., etc. Donc, c'est pas, donc d'un côté, le capital social est en quelque sorte un peu déterminé, mais il n'est pas déterministe au sens qu'il n'est pas absolu et il n'est pas figé. Donc, c'est quelque chose qui s'articule en fait donc en cette idée de hériter et construire. Il y avait également dans le texte donc, l'idée que le capital social, c'est aussi un ensemble de valeurs que l'on va pouvoir mobiliser pour atteindre des objectifs. Donc, en fonction, par exemple, des valeurs du groupe auquel on appartient, de la communauté dont on fait partie, ces valeurs-là elles vont plus ou moins correspondre à l'objectif que l'on s'est fixé. Si on est dans un groupe, par exemple dans une communauté dans le... et que nous, notre objectif, c'est soit de réussir notre examen, mais que la valeur prioritaire du groupe, c'est, et c'est pas forcément mauvais, mais c'est au contraire de, d'organiser le voyage de fin d'année à Hawaï, plutôt que de réussir l'examen en question ou quoi, ben, à ce moment-là, les ressources ou le capital social lié à notre appartenance dans ce groupe qui organise le voyage, elles ne vont pas forcément nous permettre d'atteindre notre objectif qui est réussir l'examen. Par contre, si notre objectif prioritaire, c'est d'organiser ce voyage, alors oui, ça va le permettre. Mais donc, on va peut-être retrouver dans un autre groupe un capital plus adapté à notre objectif. Et donc, en fonction de nos groupes d'appartenance, des valeurs de ces groupes-là, on va avoir des ressources qui correspondent de façon plus fine aux objectifs que l'on vise. Il y a donc, dans la façon de concevoir aussi le capital social, des visions qui sont plus ou moins centrées sur une recherche de résultats ou plutôt centrées sur une capacité ou une inclusion sociale. Dans le texte, ce sont justement un peu deux formes de réflexion qui cohabitent, des textes ou des auteurs qui sont vraiment dans des perspectives plus théoriques de compréhension du social et d'autres qui sont plus dans des perspective de management, d'utilisation de ressources humaines, de comment ça marche dans les entreprises, etc. Donc de résultats. Donc ça, selon les questions en fait que vont se poser les auteurs, ça va faire en sorte qu'ils vont donner priorité plutôt à cette dimension sociologique axée sur le lien social ou plutôt à une dimension d'efficacité, d'instrumentalisation et de recherche d'efficacité. Donc, il y avait aussi dans le texte l'idée de contribution. Donc, en fait, c'était même un des objectifs phares du texte, c'était que, au lieu de parler, de se centrer uniquement sur cette motivation à participer qui serait juste qu'on donne et en échange on attend un contre-don, ici c'était plutôt axé sur l'idée qu'on donne et en échange on s'attend à ce qu'il y ait une certaine forme de contribution. Alors, cette idée de contribution, qu'est-ce que vous en retenez, ou si vous deviez souligner des éléments du texte à ce sujet-là, qu'est-ce que vous choisiriez ? Pour vous guider un peu, il y a dans le découpage du texte une partie, en fait il y a la partie 1.3 sur le don contribution, nouvelle logique de contribution au réseau. Et juste avant, il y a aussi la partie synthèse sur la logique de contribution par intérêt calculé. Alors si vous vous concentrez sur cette partie de synthèse et sur la partie 1.3, quels sont d'après vous les éléments qui sont prioritaires à retenir ? L'individu a des besoins d'être et d'avoir. Oui, alors effectivement, ça c'est ce qui est souligné dans la synthèse et qui est fondamental en fait dans cette idée de contribution par intérêt calculé, qu'il y a donc des besoins d'être et des besoins d'avoir. Le besoin d'être, il est notamment relié à ce besoin dont je parlais tout à l'heure de reconnaissance sociale, de prestige, d'estime en fait de soi, par rapport à la reconnaissance sociale qu'on reçoit. Concernant ces besoins d'être et d'avoir, les auteurs font mention de notamment la pyramide de Maslow. Enfin, je ne sais même pas s'ils nous parlent de celle de la pyramide. Pas de pyramide, mais, en tout cas, mais de Maslow. Ils parlent de la hiérarchie des besoins de Maslow. J'avais fait allusion déjà à cette hiérarchie des besoins lors du premier cours. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez vu en cours? Déjà, d'accord. Donc, cette hiérarchie des besoins, elle est souvent représentée sous forme de pyramide. C'est une théorisation qui est très souvent utilisée, notamment en management, donc études sur le management, études sur la motivation, par exemple, des employés, comment essayer d'impliquer les employés, de faire en sorte qu'ils soient plus efficaces, de davantage les motiver, etc. Donc, c'est une hiérarchie des besoins qui est étudiée en fonction de l'évaluation de certains résultats. Donc on est dans des études qui s'intéressent à ça, pas tant au lien social que à la recherche de résultats, de l'atteinte d'objectifs par notamment des organisations. Cette hiérarchie-là des besoins, elle va donc de besoin d'être à des besoins d'avoir à des besoins d'être. Autrement dit, elle part, si on reprend les termes plus exacts de Maslow, plutôt de besoins physiologiques, qui sont que donc j'ai besoin de boire, de manger, etc. pour pouvoir exister, et elle remonte après ça vers des besoins qui sont plus de l'ordre de la réalisation de soi, de l'estime de soi, de la recherche de la reconnaissance, etc. etc. Donc on va plus du physique vers le psychologique au sens de la hiérarchie des besoins telle que vue par Maslow. Il y a donc une préoccupation pour dans cette vision-là de la contribution, le côté « je donne, donc je suis » et le côté « je me donne à voir, donc je suis ». Donc le fait de se donner à voir, donner de l'information sur soi ou juste participer au sens que j'apparais et je laisse mon compte apparaître ou je fais une action quelconque même sans parler directement ou je me laisse voir, va faire partie donc de cette idée de don-contribution. Dans les motivations qui sont listées aussi par les auteurs concernant la contribution, il y a des motivations aussi d'ordre de cohésion sociale. Alors si vous reprenez le passage 1.3, dans le deuxième paragraphe, ça va ? Il y a justement la distinction entre le fait de donner directement ou de donner pour un projet ou pour ne pas interrompre le flux des échanges dans une réciprocité que les auteurs appellent généralisée. Donc il y a cette idée de réciprocité qui aussi est fondamentale en fait dans l'idée de contribuer, de donner versus contribuer. Et il y aurait donc une logique gagnant-gagnant qui fait qu'à partir du moment où on donne, on s'engage forcément dans quelque chose qui va, une action ou une interaction qui va nous donner aussi quelque chose. Comme le soulignent les auteurs, c'est une réflexion sur un enjeu notamment numérique qui n'est pas forcément considéré d'un point de vue comme étant immoral, mais plutôt comme étant une forme de recherche d'intérêt ou de reconnaissance sociale par les acteurs. Alors, il y avait une question. En fait, la suite, c'est, j'étais en train de lire la phrase. C'est qu'en fait, donc, ils ne donnent pas forcément directement, ils donnent pour le projet. Oui, donne pour ne pas interrompre le flux, ou on donne pour ne pas interrompre le flux des échanges. Autrement dit, on donne pour participer, en fait, continuer à ce que se transmette une interaction et que continue une interaction sociale. Et donc, quand on donne, c'est pas forcément je fais un don dans une campagne en ligne, mais c'est aussi ben, je donne mon avis, j'encourage, je fais une blague, je rassure quelqu'un, etc. Donc, toutes les formes de participation plus ou moins pertinente qui était notamment dans la vidéo du début de façon plus caricaturale, elles sont des formes aussi de dons parce qu'on donne de soi, on donne de son temps, on donne de son identité, etc. en participant. Donc il y a ce qu'il faut voir, c'est qu'on ne donne pas directement à quelqu'un, mais on donne à la communauté, on donne en fait, on participe à la communication au sein d'une communauté ou de façon plus large. Donc, ce qu'il faut voir dans cette logique du don-contribution que le texte mentionnait, c'est que dans cette logique-là, dans cette réflexion-là, la notion de don et de contribution, elle n'est pas fondée sur l'individu, mais elle est vraiment fondée sur des communautés. Donc on cherche à voir comment cette action de donner, de participer en fait, elle va être une condition pour qu'une communauté existe, se développe, continue à exister, évolue, atteigne des objectifs, etc. Est-ce que vous avez des questions sur cette notion de participation ? Alors, je vous donne 10 minutes de pause et on va reprendre sur la collaboration après, avant le week-end.